Le pentecôtisme et la pauvreté, et le christianisme historique, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme classique, qui sont le plus souvent renvoyés aux classes sociales, entre parenthèses, aisées. Dans un deuxième mouvement, j'essaierai de démontrer que les catholiques et les protestants, donc classiques, parlent au commun des mortels, c'est-à-dire que on retrouve ces mouvements-là, ces églises-là, ne s'intéressent pas seulement aux classes sociales aisées. Et enfin, le troisième mouvement portera sur le pentecôtisme qui parle aux riches et aux classes sociales, aux citadins. C'est-à-dire que j'essaie de démontrer de façon profonde que de plus en plus, le pentecôtisme n'est plus, si jamais il a été, ce mouvement-là qui s'adresse aux pauvres. Mais quand on retrouve de plus en plus une liturgie qui s'intéresse classe sociale moyenne et aux classes sociales aisées. Donc, depuis le début des années 90, les années 90 étant le début de la libéralisation du champ religieux en Afrique, le pentecôtisme est facilement associé à la pauvreté et le christianisme dit traditionnel, comme je l'ai dit tantôt, catholicisme et protestantisme classique, aux couches sociales les plus aisées. L'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, deux régions parmi les moins développées du monde, connaissant une croissance rapide du pentecôtisme, on a tout fait d'associer cette obédience du christianisme à la pauvreté, à l'émotion, aux petits gens, comme disait Corten. Donc, ma communication tente donc de répondre à la question suivante. Le paradigme qui fait du pentecôtisme l'église des pauvres et le christianisme historique, les églises, c'est-à-dire catholicisme et protestantisme classique, comme je l'ai dit plus haut, les églises des plus nantis, est-il encore pertinent, si jamais, si tant est qu'il l'a été? Mieux encore, les conditions matérielles d'existence déterminent-elles toujours les préférences religieuses? Notre démarche qui est de nature qualitative, quantitative et qualitative, parce qu'il y a eu des données quantitatives que nous avons collectées et des données qualitatives, s'appuie en grande partie sur les données de terrain collectées dans le cadre de notre thèse qui a été soutenue il y a cela quelques mois, en novembre 2017. Donc, pour ce qui est du premier point, pentecôtisme et pauvreté, christianisme historique et classe socialisée, les liens sont-ils pertinents? Je me suis appuyé notamment sur mes propres travaux et aussi sur une thèse d'Emir Chamil, « Faire le travail de Dieu, une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède contemporain ». Dans sa thèse, il analyse les origines noires du pentecôtisme, où il essaie de démontrer que l'idée qu'on est établie aujourd'hui entre pauvreté et pentecôtisme vient de très loin, vient du fait que, dès la base, on a commencé à démontrer en Amérique, aux États-Unis, que le pentecôtisme avait des origines noires. Il démontre que le réveil du pentecôtisme serait, selon certains auteurs, le fruit de l'essor combiné à la multiplication des églises noires après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et l'embourgeoisement de ces dernières, dû à l'ascension sociale de certains noirs vers les classes sociales moyennes. L'auteur perçoit, c'est-à-dire il a beaucoup travaillé, il a beaucoup mobilisé les travaux de Mark Robert. Les clameurs, les réponses sous forme d'anciennes, les chants répétitifs, la glossolalie, les applaudissements, les tapotements des pieds, les tripétiments, les sautillements, les balancements du corps, faisant porter alternativement le poids sur un pied et sur l'autre, la danse entre autres. L'auteur perçoit dans tout ceci une influence noire de l'origine du pentecôtisme. Tout ceci serait pratiqué dans les régions d'Afrique occidentale et dans le christianisme des esclaves et continue à être courant aujourd'hui parmi le pentecôtisme noir aux États-Unis, en Jamaïque et en Grande-Bretagne. Ici, je vais résumer un peu ce qu'il a démontré ici. C'est qu'on commence déjà à voir comment le pentecôtisme est associé à l'émotion, à la danse et à tout ce qui relève de la passion. Dans sa thèse, il a d'ailleurs commencé introduit cette partie de sa thèse avec la fameuse phrase d'Épicrate de Senghor qui disait « L'émotion est nègre, la raison est laine » pour démontrer ici comment l'irrationalité entre guillemets qu'on retrouve dans le pentecôtisme a quelque chose à voir avec l'essence, a quelque chose à voir avec la caractéristique émotionnelle des Noirs. Et dans ma thèse, j'ai beaucoup travaillé en essayant de déconstruire l'idée qui fait du pentecôtisme l'actrice des églises pentecôtistes, actrice de ce qu'on appelle l'ordre, la reconstruction de l'ordre traditionnel dans le champ urbain. Il y a une idée qui traverse aujourd'hui les analyses de certains auteurs sur l'évolution du pentecôtisme, c'est que les citadins qui quittent le monde rural pour se retrouver dans le monde urbain sont en phase, adhèrent aux églises pentecôtistes parce que ces églises-là les permettent de revivre ce qu'ils vivent dans leur village. Donc ce pentecôtisme-là participerait donc à la reconstruction de l'ordre traditionnel et serait en phase avec l'âme africaine. Bon, on se pose très bien la question de savoir ce qu'on entend par l'âme africaine. Si vous regardez, si vous comprenez, vous voyez bien ici que le vocabulaire qui est mobilisé est un vocabulaire qui renvoie non pas à la rationalité, mais quelque chose de l'émotion. Donc le pentecôtisme, l'essor du pentecôtisme au sein de ces villes, c'est-à-dire les villes africaines, serait lié à la désagrégation du système traditionnel, au processus de migration des populations, des campagnes vers les villes qui l'accompagnent. Il faut déjà souligner que, je parle d'idées reçues, pourquoi ? Parce que quand on regarde en profondeur la population des villes africaines aujourd'hui, dans beaucoup de villes, la population urbaine n'est plus majoritairement celle issue des zones rurales. Beaucoup de citadins en Afrique naissent en ville. Donc on a de plus en plus une population urbaine où vous avez dans certaines villes près de 70% des citadins qui naissent en ville et donc qui ne viennent plus des zones rurales. Mais il y a une sorte de représentation qui continue à démontrer que tout ce qui se passe dans les villes africaines et qui relève soit des traditions ou des croyances religieuses est la conséquence de la socialisation que les citadins, entre guillemets, ont reçue au sein de leur village et qu'ils reproduisent donc au niveau des villes. Ce pentecôtisme-là proposerait à ses membres une reconstruction idéalisée des sociétés traditionnelles, une famille protectrice, constituant une réponse religieuse communautaire à cet état d'anomie sociale. Il y a un auteur, Batende, qui démontre à ses propos que face au déchirement socioculturel, un désarroi spirituel et à une profonde crise religieuse, les masses urbaines, j'ai mis en gras le mot masse urbaine, bon, parce que c'est un peu, ça signifie que beaucoup, dont les traditions sont encore vivaces, recourent aux prophètes des nouvelles églises en vue d'essayer de retrouver les survivances de leurs anciens modèles culturels qui avaient régi auparavant l'ensemble de leur comportement. Cette explication rejoint une autre, la propension qu'ont les Africains, selon les auteurs de ceux qui développent ces idées, en général à croire la toute-puissance des forces magico-religieuses. Cette propension serait consubstantielle à la nature de l'homme africain, incurablement religieux. C'est-à-dire qu'on a une lecture qui est une lecture, déterministe, de ce qu'on appelle l'âme africain, l'homme noir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'être noir, quand même s'il est né à Paris, grandi à Paris, il serait plus prompt à adhérer au pentecôtisme qu'un Français, par exemple, né à France et grandi à Paris, tout simplement parce qu'il est noir. Parce qu'on a l'impression qu'on établit une relation comme si les catégories de pauvreté, de croyances religieuses ne sont pas des catégories. Le pentecôtisme n'est pas une catégorie culturelle, mais plutôt quelque chose qui a à voir avec la nature de l'être humain, quelque chose de naturel, d'atavique, qui serait lié à la nature, c'est-à-dire à quelque chose, comme s'il y avait un ADN particulier qui pousserait tout être humain, quand vous êtes noir, à adhérer au pentecôtisme, ce qui ne serait pas la même chose pour les autres races, quoi. Pour comprendre, le même auteur dit, pour comprendre l'essor de ce phénomène dans le christianisme africain d'aujourd'hui, l'une des clés de la lecture se trouve dans le contexte africain et particulièrement dans la culture traditionnelle. Nous chercherons, c'était un texte dans l'une de ses communications, à comprendre quelle est dans la culture profonde les conceptions de la maladie, la relation entre le sort et la maladie, la relation entre les esprits et la guérison, le système thérapeutique africain et son rapport au sacré. Ces paramètres permettent d'expliquer les raisons de la recrudescence des recours à la guérison miraculeuse dans les églises d'Afrique. Je le ferai en montrant comment les pratiques des pratiquants d'une telle thérapeutique dans l'Église s'inspirent d'une pratique traditionnelle qu'ils actualisent et présentent sous forme, sous une enveloppe teintée de christianisme. À la lecture des thèses développées que nous avons de ces ensembles de citations, on se rend compte qu'elles sont basées sur des idées reçues. En Afrique, la recherche de la guérison, par exemple, ne passe pas toujours par la convocation à des pratiques culturelles traditionnelles. Certes, les croyances à la sorcellerie ou au mauvais sort, etc., animent les personnes malades, mais ceci n'est pas l'apanage de l'homme noir. La croyance à l'irrationalité, à des divers degrés, est le problème de la plupart des êtres humains noirs, blancs, riches ou pauvres. L'expression qui a été utilisée par un certain nombre d'auteurs de teinté de christianisme, quand il dit teinté de christianisme ici, en fait, il s'adresse aux églises pentecôtistes qui sont teintées de christianisme et porteurs de sens pour nous. Parce que tout se passe comme si le christianisme est un socle rationnel qui évolue aux cultures des cultures africaines fondées, elles, sur un socle irrationnel. Les formes d'irrationalité et de superstition qui vont donc se développer et se retrouver au sein du christianisme africain proviendraient ainsi des traditions et des éléments culturels à ce continent. Nous recusons cette thèse car le christianisme est une idéologie porteuse et génératrice d'irrationalité et de superstition. Il n'a donc pas besoin d'une instance extérieure à lui pour faire promouvoir des superstitions et des formes d'irrationalité. Les chrétiens qui croient en la guérison miraculeuse le font parce que le christianisme, la foi chrétienne, rend possible la croyance au miracle. J'aime toujours dire en blaguant que la vie de Jésus-Christ n'est qu'un miracle. Il naît par le fait d'un miracle, il transforme le vin, il guérit des malades, etc. etc. Donc je pense que si on est chrétien et qu'on a la foi chrétienne, on va croire au miracle, puisque Jésus-Christ a fait des miracles. Je ne vois pas pourquoi on doit dire que si les Africains qui croient au miracle, qui sont des pentecôtistes, le font parce que les traditions africaines sont des traditions qui ont amené les gens à croire au miracle, comme si le christianisme en lui-même était déjà quelque chose, comme c'était la mathématique ou la physique nucléaire, qui serait irrationnel. Le christianisme, qu'il soit catholique, protestant ou autre, c'est une irrationalité, une idéologie. Donc, si on a la foi chrétienne, on va forcément croire au miracle parce que Jésus-Christ n'a fait que des miracles tout au long de... Donc en fait ici pour moi, pas besoin d'avoir été socialisé dans un environnement structuré par le mysticisme et les croyances à la sorcellerie ou à la magie pour croire aux guérisons miraculeuses. Il suffit tout simplement d'être chrétien, catholique ou autre pour développer ces formes de croyances-là. En outre, il n'existe pas de littérature scientifique, à notre connaissance bien entendu, qui démontre que les Africains originels croyaient essentiellement à la guérison miraculeuse. Autrement dit que la recherche à la guérison en Afrique était structurellement fondée sur le miracle. La recherche de la médecine traditionnelle camerounaise, par exemple, pour ne citer que le cas du Cameroun, existe à contrario que les Africains croyaient en la toute-puissance de la médecine, entre guillemets. La guérison d'une maladie était la conséquence logique de la consommation d'une substance médicinale et non la croyance au miracle. Jésus-Christ lui-même, comme il le disait tantôt, a guéri les malades par des procédés qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la rationalité scientifique. Mieux encore, les procédés qu'il mobilisait faisaient davantage appel à la foi des croyants. Il relevait des miracles. Il serait donc abusif d'affirmer que les pratiques d'une telle thérapeutique dans l'Église, ce qui s'agit des églises pentecôtistes, s'inspirent d'une pratique traditionnelle qu'ils actualisent et présentent sous forme d'enveloppe teintée de christianisme. Donc, ceci nous a amené, j'ai insisté là-dessus pour montrer d'abord que les idées qui ont nourri cette dichotomie, au moins cette lecture qui établit un rapport entre le christianisme traditionnel, c'est-à-dire le christianisme classique, église catholique et autres, qui seraient plus proches des classes supérieures aisées, et les pentecôtistes qui seraient plus proches des églises, tout au moins des catégories sociales pauvres provenant des milieux ruraux. En deuxième point, donc, je serai rapide, les catholiques et les protestants parlent au commun des mortels. En fait, les données de terrain que nous avons montrent très bien que quand on observe le terrain camerounais, les églises catholiques, protestantes, classiques, ne s'adressent pas seulement à des couches sociales du coup social pauvre, on retrouve des catégories provenant de toutes les couches sociales, que ce soit des zones, des personnes aisées, des personnes pauvres, etc. Je reviens donc maintenant pour parler du pentecôtisme qui constitue principalement le centre de mes analyses, qui parle aux citadins. Nous montrons ensuite que les discours pentecôtistes s'adressent aussi et de plus en plus aux catégories socialisées, les commerçants, les hommes d'affaires, les fonctionnaires. Le pentecôtisme peut être, pour être un enfant de Dieu, doit naître de nouveau, c'est-à-dire doit rompre avec les éléments de son ancienne socialisation religieuse. Il doit, contrairement à l'idée répandue, rompre avec l'ordre traditionnel. Le tableau suivant montre que les pentecôtistes ne sont pas en phase avec les pratiques et les rites traditionnels. Nous avons un tableau ici où vous voyez très bien que quand nous avons analysé les pratiques des rites traditionnels des enquêtés selon les confessions religieuses, vous avez les musulmans, vous avez les catholiques sur 81 personnes que nous avons interrogées. 62 vous disent qu'ils pratiquent les rites traditionnels contre une cinquantaine. Chez les pentecôtistes, vous avez à peu près 3 personnes, dont vous avez à peu près 7% des fidèles pentecôtistes qui pratiquent les rites traditionnels contre 93%. Donc contrairement à l'idée qui est répandue, les pentecôtistes sont de moins en moins en phase avec l'ordre traditionnel, parce que dans leur façon de concevoir la croyance religieuse, pour être un bon pentecôtiste, il faut rompre avec cet ordre-là traditionnel. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les traditions africaines et autres, on ne doit pas être en phase avec ces croyances-là. Bien au contraire, ils sont même plutôt en phase avec le monde capitaliste, moderne et autres. Donc, le pentecôtisme est donc un bien, et les biens du monde, ici, en voyant un peu comme la richesse et autres. Le pentecôtisme est pour certains fidèles, issus des classes sociales aisées, un outil au service de la protection de leurs biens, de leurs familles, qui ferait l'objet d'envie et de jalousie. Pour les pasteurs, cette catégorie de fidèles constitue celle qui est la plus courtisée, compte tenu de ses avoirs. Il va donc de soi que le discours des entrepreneurs religieux pentecôtistes va s'arrimer à cette réalité. Les répertoires des prières, les sermons, la liturgie et la mise en scène religieuse vont se structurer selon le statut social des fidèles et des potentiels fidèles. C'est-à-dire que quand ils s'installent de plus en plus dans des quartiers huppés où ils adressent leur discours à des couches sociales qui ne sont pas forcément issues des couches sociales et pauvres, bien au contraire, ils cherchent dans leur logique de rentabilité financière et d'accès à un certain nombre de privilèges, ils s'adressent de plus en plus aux couches sociales aisées. Et je dirais que quand vous êtes à l'intérieur même des mouvements pentecôtistes, quand vous observez le fonctionnement des mouvements pentecôtistes, le pentecôtisme devient aujourd'hui une religion, comme eux-mêmes appellent une religion light. C'est-à-dire que les pentecôtistes sont de plus en plus, ils considèrent les catholiques et les protestants classiques comme des croyants ringards. Ils vous disent très bien que j'ai interrogé certains qui disaient que, vous voyez, le Cameroun ne peut pas sortir de la pauvreté parce que la plupart des dirigeants sont catholiques, et je lui disais, mais où est le rapport ils disent non, les catholiques, c'est des gens qui croient en la souffrance, ils croient en la croix, vous voyez des gens qui prient devant la croix c'est le symbole de la souffrance, et tous ont été baptisés par des colons. Donc je lui pose la question, mais si le catholicisme c'était le symbole de la pauvreté, mais les Français et autres seraient plus pauvres que les Camerounais, puis ceux qui ont amené ils disent non, ils n'ont pas amené la bonne religion, ils vous ont donné un christianisme de pacotille. Parce que les pentecôtistes se découvrent aujourd'hui. Ils pensent aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la bonne religion, la religion de la liberté. Ils disent que nous avons été libérés en 1990 avec la loi sur la libéralisation, mais vous, vous continuez, enfin, quand ils disent vous, c'est-à-dire les catholiques, vous continuez à rester enfermés. Donc, ce qu'ils essaient de démontrer par là, c'est que, contrairement à l'idée qui est répandue, c'est-à-dire que les pentecôtistes sont ceux-là qui subissent, qui sont enfermés, qui sont manipulés, autres, les pentecôtistes sont aujourd'hui non seulement en phase avec le monde moderne des libertés, autres, mais trouvent que c'est eux qui ont la bonne religion, c'est des religions là qui est en phase avec l'évolution du monde, et que ce sont les autres, les chrétiens, catholiques et protestants, qui sont enfermés dans des logiques qui sont des logiques arriérées. Donc, ce que nous avons tenté de montrer dans notre communication en lien avec les classes sociales, c'est que le discours qui fait du pentecôtisme la religion des pauvres et le christianisme historique, christianisme catholique et autres, est en partie basé sur des idées reçues. Nous pensons que ce sont des conditions dans lesquelles les fidèles sont situés, leur socialisation, entre autres, qui déterminent leur perception qu'ils ont du monde. Il n'est donc pas pertinent du point de vue de l'analyse de renvoyer le christianisme d'historique aux classes sociales aisées, et le pentecôtisme aux classes sociales les moins aisées. Il s'agit pour nous, nous avons tenté de démontrer que il faut sortir des logiques qui établissent des relations entre pentecôtisme, pauvreté et catholicisme et autres, comme si les croyances religieuses étaient des catégories naturelles qu'on pouvait tout simplement de façon définitive établir des liens qu'on ne peut pas à un moment donné. Il s'agit tout simplement pour nous, il s'agit tout simplement de voir les conditions réelles dans lesquelles vivent les individus qui les amènent tantôt à adhérer à tel ou tel mouvement, à réactualiser en fonction des circonstances qui se présentent devant eux. Merci beaucoup.